Quatrième chapitre, les rebouteurs. 1. Nos médecins de campagne devront encore subir pendant de longues années la concurrence regrettable des paysans rebouteurs. Il n'est pas même certain que l'on puisse jamais empêcher ces médicastres d'exercer leur douteuse industrie et nous en donnerons les raisons. Depuis une quinzaine d'années, nous observons en effet les opérations de ces chirurgiens de plein air et nous devons constater que leur crédit ne subit aucune atteinte. Les nouvelles générations qui sortent de l'école primaire demeurent fidèles à ces empiriques. Ce qui paraîtra le plus surprenant, c'est l'indifférence des docteurs vis-à-vis de ces ignorants concurrents. En Bretagne, autour de chaque chef-lieu de canton, il existe des sorciers guérisseurs connus de toute la population et les médecins n'essaient pas de gêner leur dangereux commerce. Pourtant, ils se pratiquent au clair du jour, sans aucune espèce de déguisement. Il me suffit de me promener sur l'une des routes départementales pour voir passer des chars à bancs conduisant des malades ou des blessés chez le rebouteur renommé de mon voisinage. Étendu sur de la paille et la tête, les bras ou les jambes sommairement bandés avec de la toile de chanvre, le patient supporte sans se plaindre les durs cahots. Si vous interrogez son conducteur, il vous répondra « Je mène le malade chez Paul ou chez Mathurin ». Un charlatan champêtre se fait toujours appeler par son nom de baptême. Et si vous objectez, pourquoi ne le conduisez-vous pas chez le docteur? Bah, vous répliquera-t-on, c'est trop coûteux. Mathurin ne prend qu'une pièce de 10 sous et un ancien de son espèce en sait bien autant que le petit jeune médecin. Chaque après-midi défilent ainsi jusqu'à 6 et 8 carrioles chargées de cultivateurs souffrant d'un bradémie, d'une bronchite ou d'une fièvre, car les maux les plus divers sont merveilleusement et économiquement soulagés par le rebouteur. Les médecins, pendant leur tournée, rencontrent parfois ces équipages et n'ignorent pas leur destination. Cependant, ils ne protestent pas. Comme j'en demandais la raison, l'un d'eux, le docteur G, me fit cette déclaration. Voudriez-vous qu'en l'honneur de la médecine, je perde ma clientèle? Quand je suis arrivé de Paris dans ce pays, ces pratiques m'ont révolté. Puis j'y voyais une concurrence dangereuse pour la santé publique. Alors j'ai sévi, j'ai adressé des plaintes, un huissier a fait des constats. Les gendarmes ont envahi le logis d'un aubergiste suspect de cumuler le commerce d'eau-de-vie et celui des médicaments et opérations. Pendant 2 mois, j'ai menacé, poursuivi et obtenu condamnation. Je vivais dans la colère, je ne dormais plus. Enfin, j'avais triomphé de ce méchant rebouteur, mon voisin. Ah bien oui, j'avais vraiment tort de me réjouir. Lorsque le bonhomme eut été condamné à 100 francs d'amende et à 8 jours de prison avec sursis, il n'y eut qu'un cri de réprobation contre ma personne. Mes premiers clients osèrent me reprocher ma dureté. Ce pauvre Paul rendait service au petit monde. Pourquoi avais-je attaqué ce brave Paul? Cela ne me vaudrait rien de bon de nuire à ce Paul complaisant. Et en effet, il me fallut 2 années de soins, de travaux et de dévouement pour retrouver une clientèle que j'avais effrayée. Puisque ce médecin traduit si facilement en justice Paul, se racontaient les paysans, il pourrait bien nous traîner devant le tribunal pour un arriéré de notes. N'allons plus le chercher, c'est un mauvais coucheur. Enfin, 2, 3, 5 guérisseurs surgirent dans les villages du canton. Fallait-il recommencer avec chacun de ces rustres la guerre que j'avais entreprise contre Paul? Je ne le crus pas et je fermais les yeux. Que voulez-vous, nous y perdons quelques visites, mais aussi quelquefois, nous y gagnons d'avoir à réparer les sottises commises par ces ridicules chirurgiens. Ce que le médecin ne m'a pas avoué, et ce qui paraîtra le plus invraisemblable, c'est que quelques-uns de ses confrères se font assister dans certaines de leurs opérations par des rebouteurs. Voici quelques années, un docteur de V, la préfecture, vint chercher lui-même un renoueur réputé, maire de la commune de Berriot, afin de réduire la fracture d'une cheville à l'un de ses propres enfants. J'ai pu rencontrer chez le père d'un médecin à M un rebouteur qui venait soigner son poignet foulé. Comme j'en exprimais ma surprise, ce vieillard à l'esprit cultivé m'assura ironiquement qu'il croyait son fils habile dans les grandes opérations, mais très maladroit pour soigner les bobos. Ce jour-là, je compris que les paysans guérisseurs pouvaient prospérer en toute sécurité. 2. Comment se recrutent les rebouteurs? Après en avoir interrogé une vingtaine, hommes et femmes, j'ai pu croire que la fonction était héréditaire. Le fils ou la fille succède au père ou à la mère. Dans chaque paroisse, une famille semble prédestinée au reboutage et à la médecine. Les guérisseurs affirment presque toujours qu'ils ont hérité d'un grimoire où sont consignées des formules étonnantes contre toutes les maladies. Une seule fois, il nous fut donné de mettre la main sur l'un de ces vénérables ouvrages. L'ayant ouvert, nous reconnûmes un livre de plein champ, sans doute volé dans une église pendant la Révolution. Très sérieusement, sa propriétaire, une veuve Lemouet, affectait d'y découvrir ses recettes devant ses clients illettrés. Quelques rebouteurs possèdent des livres où leurs ascendants ont consigné leurs observations. J'ai eu l'occasion de feuilleter l'un de ses cahiers. Il avait été écrit par le grand-père du possesseur, continué par son père et annoté par lui-même. Les renseignements utiles y étaient d'une indigence extrême. Par contre, nous en extrairons quelques remèdes bizarres d'un usage courant dans le Morbihan. Les rebouteux sont en général des personnages plus recommandables que les sorciers guérisseurs. Ils doivent observer et pratiquer de longues années pour obtenir une certaine habileté. Aussi simples que soient les paysans, ils ne tarderaient pas à se détourner d'un renoueur maladroit qui les estropierait. Il faut même convenir que certains de ces chirurgiens villageois jouissent d'une adresse opératoire incontestable et savent remettre une épaule ou une cheville en place avec une élégance que leur envierait un patricien patenté. Grands observateurs comme tous les paysans, depuis leur enfance, ces hommes de tradition ont vu opérer leur père, l'ont aidé, se sont eux-mêmes exercés et sont arrivés peu à peu par l'expérience à une certaine connaissance des articulations. Ajoutez à cette science rudimentaire une foi naïve dans leur habileté et l'audace des ignorants. Il n'en faut pas davantage pour réussir parfois des opérations hasardeuses. Et lorsque le patient est rebouté de travers, il en est quitte pour s'adresser au docteur. La fatuité de quelques-uns de ces campagnards est quelquefois délicieuse. À cet égard, l'histoire du rebouteur de Limerzel, J, mérite d'être rapportée. J se flattait de connaître beaucoup mieux l'ostéologie qu'un chirurgien de la faculté. Il en était même si persuadé qu'il sculpta au couteau, dans du bois, un squelette démontable avec attache en fil de fer. L'année suivante, c'était en 1900, il partit avec son squelette de peuplier pour l'exposition en déclarant qu'il allait éprouver la science des chirurgiens de Paris. Il l'exhiba dans une baraque et voici le discours qu'il tenait au public. « Je vais démonter ce squelette, en brouiller les pièces et je défie un médecin, s'il s'en trouve dans l'assistance, de remettre ses os à leur place. » Quelquefois, un farceur se donnait au rebouteur pour un docteur fameux et s'efforçait de reconstituer le squelette. Naturellement, il n'y parvenait point, parce que la charpente osseuse imaginée par J dépassait en fantaisie toutes les lois de l'anatomie. Lorsque ce brave homme s'en revint à Limerzel, il raconta fièrement qu'aucun des savants parisiens provoqués par lui n'avait réussi à remonter son squelette. Donc, c'était des ignorants. 3. Les rebouteurs exercent leur industrie à domicile ou bien Les jours de foire, ils s'installent chez des aubergistes leurs compères. Jamais ils ne se rendent chez les blessés afin d'éviter des surprises, car de temps à autre, le parquet, sur une dénonciation, informe contre ces médicastres. Il s'agit donc d'opérer à l'abri des malintentionnés. Presque tous ces guérisseurs cumulent cette fonction avec celle de jardiniers, débitants ou petits épiciers. Ainsi, les visites qui leur sont faites par leurs clients mélangés ne sauraient être suspectées. Un homme entre dans la boutique, demande du sel ou un verre de vin, puis il avoue son mal et passe dans une seconde salle où on l'opère, tandis que la femme du rebouteur monte la garde devant le comptoir. Un petit propriétaire des environs de Plumélec, célèbre guérisseur, défie toutes les poursuites en affirmant qu'il soigne pour l'amour de l'humanité et qu'il ne se fait jamais payer. Il prononça un jour cette belle parole en ma présence. « Quand on ne possède que son corps pour gagner son pain, c'est être trop malheureux d'en souffrir. » Malheureusement, quelques instants après, je surpris ce philanthrope, la paume remplie des gros sous donnés par un valet soigné de son torticolis. Il est vrai qu'il ne demande rien, mais il accepte ce qu'on veut bien lui donner. Lorsqu'une grande foire est annoncée dans un chef-lieu de canton, le rebouteur, assuré de la complicité d'un aubergiste intéressé à remplir son débit de buveurs valides ou infirmes, loue pour la journée une chambre du premier étage. Les malades sauront le découvrir. Ils entreront dans l'auberge et, après avoir bu leur bolet, d'un clin d'œil, ils interrogeront l'hôtelier. Un signe de tête et ils comprennent. Les voilà qui escaladent l'escalier. Au marché de Musillac, j'ai obtenu la grande faveur d'assister à une séance de reboutage. Après m'avoir fait jurer que je ne le trahirais pas, le chirurgien rustique A.G., large et gros homme à visage de père éternel, voulut bien m'accepter comme disciple, car je me déclarais très curieux de le voir travailler. On frappa à la porte de la salle de consultation improvisée. Il ouvrit et un marin entra appuyé sur deux cannes. « De quoi souffrez-vous ? Voilà, un tonneau de rogue m'est tombé sur le pied. Voyez comme il est enflé. Étendez-vous sur ce banc. » En un tour de main, A.G. dénoua le foulard entortillé sur la cheville, puis il la tâta en y enfonçant ses index à droite et à gauche. Soudain, il saisit le talon et les doigts de pied et je le vis esquisser un mouvement de rotation. Le patient hurla qu'on voulait sa mort. « Chut, tais-toi, c'est fini, tu es renoué. Combien dois-je ? 10 sous, merci et à la prochaine. » Le sardinier ahuri s'éloigna en clopinant, sans oser appuyer encore sur la plante endolorie. On heurtait déjà lui. Une paysanne apportait dans ses bras un garçonnet. « Qu'est-ce qu'il a ? Je ne sais point, il ne peut plus marcher. » « Parbleu !» s'exclama A.G. après avoir palpé. « La jambe est cassée. »« Jésus, mon Dieu !» gémit la mère tout à coup pleurante. « Allons, la mère, du silence. Ce n'est pas vous qui souffrez. » Le rebouteur prit du vinaigre et frotta le tibia sans se soucier des cris de l'enfant. Je le vis ensuite enlever un vieil almanach de la cheminée, le rompre et en former une sorte de gouttière. Il coupa un morceau de beurre, enduisit grassement le carton, appliqua l'appareil sur la jambe et fit cela avec des cordons de souliers. « Et vous m'avez bien compris, la mère. Tenez votre gars couché et s'il braie, laissez-le braire. Mais n'enlevez pas cet appareil avant 1 mois. Combien c'est-il à votre convenance ?» Sous par sous, la fermière compta 1 franc et s'éloigna avec son blessé. Elle n'avait pas encore quitté le palier qu'un laboureur se présenta. La douleur l'hébétait. Un de ses bras restait collé à son flanc. A.G. n'eut pas besoin de le questionner. Se penchant par la fenêtre, il appela. « Ohé, du monde, 3 hommes de bonne volonté !» L'aubergiste et 2 ouvriers se présentèrent. « Ah !» me dit le rebouteur, « vous avez de la chance. Vous allez assister à une belle opération. Assieds-toi sur cette chaise » commanda-t-il au laboureur. Habilement, A.G. lui enleva sa veste et sa chemise. Lorsque le patient eut le torse nu, il lui plaça une grosse boule de drap sous l'aisselle. Un torchon fut mis autour du thorax et ses bouts tenus étirés fortement par le débitant. « Quant à vous, les amis, » fit A.G. en s'adressant aux ouvriers, « empoignez-moi le bras de cet estropié et vous le halerez de toutes vos forces quand je l'ordonnerai. » De ses mains et du poids de son corps, le rebouteur appuya sur l'épaule du blessé et cria « Allez-y, du courage à tous !» Le malheureux cultivateur jeta une clameur épouvantable et j'entendis un craquement. « Fini !» dit A.G. satisfait. « Encore un de rhabillé. Combien que je dois ?» murmura l'opéré abruti. « 10 sous, plus la goutte aux aides. » Il me fut encore donné de voir extirper la tête d'un œil par une spécialiste, Julienne L., petite bonne femme futée. La fillette atteinte de ce mal fut maintenue serrée entre les genoux de sa mère. Julienne prit une plume de poulet, la mouilla de salive et frotta cet instrument primitif sur la cornée de l'enfant. Un morceau de la tête céda, mais le reste de la tache blanche s'obstina à demeurer sur l'œil. L'opéré braillait de douleur. « Je reviendrai, » assura Julienne L., « et j'enlèverai le reste de cette moisissure. » La dyspepsie est soignée par un procédé magique. Une vieille femme, la Glonet, m'en offrit le spectacle. Des ouvriers des forges de la Loire et des charbonniers de Saint-Nazaire avaient coutume de s'en remettre aux soins de cette sorcière lorsqu'ils souffraient de mauvaises digestions. La Glonet grattait le sol de terre battue de la salle à l'endroit où le prêtre avait jeté de l'eau bénite. Il convient d'expliquer que, chaque fois qu'une maison est construite en Bretagne, un vicaire vient lui donner la bénédiction en aspergeant son sol avec le goupillon. Les parties d'argile touchées par les gouttes acquièrent des propriétés médicinales prodigieuses. La guérisseuse en mit une poignée dans une poêle qu'elle fit chauffer sur un feu de fagot. Cette terre, jetée brûlante dans un sachet de toile, forma un cataplasme qu'elle appliqua sur l'estomac du dyspeptique. L'un de ses portefaix m'affirma sérieusement qu'il en ressentait un grand bien-être. Parfois, la Glonet guérit les bronchites avec une sorte de bouillie obtenue en faisant cuire du gouet. Elle embarbouille la poitrine de l'enrhumé. Ce jus d'herbe produit un peu l'action de l'iode. 4. Nous avons copié quelques formules dans le cahier de notes d'un rebouteur. Elles feront connaître sa pharmacopée simpliste. On fait cicatriser les coupures en les entourant de toiles d'araignée. L'amadou rend les mêmes services. On arrête les saignements de nez en plaçant sur la nuque l'herbe du gouet. L'herbe millefeuille fait saigner les muqueuses. Les migraines sont guéries avec de la mie de pin trempée dans du vinaigre et placée dans un bandeau entourant le front. La feuille du chou lisette, enduite de saindoux, remplit le même office. En cas d'anémie, faites infuser dans du vin blanc de l'hysope et du myrte. Le malade boira un verre avant chaque repas. Les rhumatismes seront frictionnés avec de l'herbe au crapaud et de la verveine pilées ensemble. Les yeux faibles seront affermis avec la liqueur obtenue d'un escargot crevé avec une épingle au-dessus des prunelles du malade. Le jus de carotte combat la jaunisse et le lait de jument fait disparaître la coqueluche chez les enfants. La tisane de menthe poivrée est recommandée en cas d'asthme. Les maux d'oreille sont adoucis avec la poudre obtenue de l'écorce d'un frêne. Pilez de l'ail et du poivre dans un morceau de mousseline et mâchez cette préparation si vous souffrez des dents. Lorsqu'un médecin n'a pu guérir une maladie devenue chronique chez un paysan rebelle à l'hygiène, le malade s'adresse au rebouteur le plus convaincu de magie. Un remède encore journellement proposé pour l'entérite consiste à se frotter le ventre avec des pierres provenant d'une chapelle de Saint-Étienne. À Plumergat, un sorcier détient des cailloux de quartz qui ont la fabuleuse propriété d'anéantir les névralgies au premier contact. À Bels, Un rebouteur étend les sourds dans une auge antique et les y maintient de longues heures. Placé sur un promontoire, ce bassin reçoit les vibrations de l'océan et les malades, en les percevant, croient à l'amélioration de leur ouïe. À Beau, un guérisseur conduit les fiévreux à une fontaine, les masse avec un sable de sa composition et leur fait revêtir une chemise trempée dans l'eau. Nous avons souvent approché de ces sorciers. Presque toujours leur intelligence dépasse celle des paysans de leur commune. Paraphrasant le vers de Voltaire, on peut assurer que la crédulité des villageois fait toute leur science. Néanmoins, il est juste de reconnaître à certains rebouteurs une habileté opératoire incontestable. Les foulures et les bras démis sont souvent renoués par eux avec une adresse à laquelle les médecins eux-mêmes rendent hommage. Malheureusement, lorsqu'ils se mêlent de réduire une fracture, ils aboutissent trop souvent à des résultats lamentables, estropiant chaque année un certain nombre de cultivateurs. Quant aux cures magiques des guérisseurs, elles constituent un vrai fléau pour nos campagnes. En cas de fluxion de poitrine, d'entérite, de bronchite, d'asthme, les familles n'ont recours au docteur qu'à la dernière extrémité, lorsque le malade est devenu presque incurable. Et comme je le reprochais à des journaliers, ils me firent cette réponse. Nous gagnons à peine 2 francs par jour et nous devons vivre 4 personnes sur ce salaire. Comment voulez-vous qu'avec le tarif kilométrique appliqué par les docteurs, nous puissions réclamer leurs soins? 20 kilomètres aller et retour de notre maison à la ville, cela fait 10 francs plus 20 sous de visite, total 11 francs. Nous ne pourrions pas payer. Tandis qu'avec 50 centimes, le rebouteur du hameau nous conseille. Cette déclaration a fait éclater à nos yeux un mal évident. Il faudrait que l'assistance médicale ne soit plus un leurre dans nos campagnes. Le pays tout entier est intéressé à l'état valide des populations. D'ailleurs, la médecine devrait être préventive. Chaque canton pourrait avoir son docteur régional, payé par l'État ou le département, au même titre qu'il possède un percepteur ou un receveur de l'enregistrement. Et pour une fois, nous serions tous d'accord sur l'utilité de ce nouveau fonctionnaire. Dans les campagnes, en l'état actuel, on ne peut pas dire que les pauvres gens soient soignés ni gratuitement, ni surtout avec diligence. On n'en saurait adresser aucun reproche à des médecins dévoués, mais surmenés par une profession épuisante et souvent peu rémunérée. La disparition des médicastres, renoueurs et sorciers ne sera certaine qu'avec l'organisation de ce nouveau régime du service de santé devenu fonction de l'État.